Radio Campus a vaincu la tempête et diffuse ses ondes tout bien comme avant. Alors on fête ça en direct. Le vendredi 27 janvier de 19h jusqu'au lendemain. Un concert live exceptionnel avec Marcel et son orchestre, Lénine Renault, The Liquidators et les Chasse Patates. Vendredi 27 janvier à 19h en direct sur le 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'Attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'Attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur DAB+. Ou campuslille.com et vous vous préparez à écouter Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association intermondialiste d'éducation populaire. Pour vous servir aux manettes, Florent, il va mieux, et les animateurs René La Science, Quentin l'ingénieur et Ludovic qui va arriver, sans doute, au look gramscien et Christian au micro. C'est la première émission de l'année et dans un bel élan collectif, nous vous souhaitons une bonne année. Avec la mobilisation d'avant-hier, ça ne pouvait pas commencer mieux. Belle, bonne et belle année 2003, donc. Ça, c'est fait. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Pas de retraite, d'inflation. Il se trouve que notre invité et Jonathan de Marie ont écrit un article sur l'inflation, et pas n'importe où, s'il vous plaît, sur la page de garde du site internet d'Attaque Nationale. Il y est resté un moment et vous pouvez le retrouver facilement, notamment dans les possibles. Un mot sur l'article. Il n'est pas d'une lecture facile. En clair, c'est pas Mickey Parade, si vous voulez. Mais nous nous sommes dit qu'il était proposé par Attaque Nationale, on va le faire connaître à nos auditrices et auditeurs. Et on va essayer de faire comprendre ce qu'il peut nous, vous apporter. D'accord? Bon. Il est temps de présenter notre invité. Il est économiste, maître de conférences à l'Université du Littoral. Il a déjà été à ce micro, au téléphone, pour un ouvrage collectif, L'entreprise liquidée, paru chez Michelon en 2016. 6 ans déjà, Thomas. Bon, eh bien, bonjour Thomas Dallery. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être déplacé de Dunkerque jusqu'au micro de Radio Campus. Avant toi, dans ce même studio, plutôt au téléphone, c'était Thomas Coutreau. Et c'était en novembre. Et après toi, en mars, ce sera Laurent Cordonnier. Donc, tous économistes atterrés, et comme toi, on t'invite pour tes travaux et surtout le talent pédagogique que tu as, comme les autres d'ailleurs. Bon, cet article, on va en traiter une partie seulement. Une grande partie quand même. Ça te va? Ça me va très bien. Alors on essaiera de faire de la vulgarisation puisque l'article en question, c'est un article qui est quasi académique. Donc il y a des équations, mais c'est normal quand on est économiste. Donc là, on parlera surtout d'histoire et on parlera surtout des enjeux un peu de l'inflation actuelle, j'imagine. Oui, bien entendu. Quentin, tu démarres? Donc on vit une période d'inflation. D'ailleurs, on peut faire un tout petit détour en disant que ça peut avoir un lien aussi avec la bataille pour les retraites, puisque l'inflation impacte les personnes qui vivent de leur retraite. C'est pas la première période d'inflation, hein. Quand on revient dans l'histoire, les années 70-80 étaient très marquées par ça. On avait une accusation mutuelle entre les salariés et le patronat et le gouvernement sur quelle était la source de l'inflation. Est-ce que c'était pas une source due à la hausse des salaires ou à la hausse des taux? Mais aujourd'hui, ça a l'air d'être une inflation complètement différente. Thomas Dallery, qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont les caractéristiques que vous pouvez donner pour cette inflation? Oui, alors effectivement, ça peut valoir le coup de faire un petit retour en arrière sur l'histoire de l'inflation, hein, plus généralement. Et pendant très longtemps, en fait, les économistes avaient, pour la plupart d'entre eux, oublié ce que c'était que l'inflation. Puisqu'avant le printemps 2021, on vivait dans une période où l'inflation avait quasiment disparu, pour ainsi dire. On était sur des taux d'inflation aux alentours de 1% dans la zone euro pendant des décennies. Et donc l'inflation, c'était une espèce de fantôme. Certains économistes la brandissaient comme quelque chose qui allait faire peur aux gens en disant ne menez pas des politiques trop progressistes, que ça soit monétairement ou budgétairement, faut pas que l'État dépense trop, faut pas que le taux d'intérêt soit trop bas, parce que sinon vous risquez la surchauffe de l'économie et l'inflation finira par réapparaître. Donc pendant très longtemps, l'inflation c'était une espèce de fantôme. L'histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur, faites gaffe, ne soyez pas trop progressistes, sinon ça va barder, l'inflation va revenir. Et en fait, au printemps 2021, quand l'inflation a commencé à réaugmenter un petit peu, ça a surpris beaucoup d'économistes, parce que pour eux, l'inflation, ça vient quand l'économie est en surchauffe. Mmh. Et là, c'était pas exactement les circonstances qu'on connaissait. Mmh. Donc, il y a plein d'explications à l'inflation actuelle. C'est une conjonction de facteurs, hein, en fait, qui se rencontrent. Vous avez bien sûr eu les conséquences de l'après-Covid, l'après-pandémie, puisque quand on a fermé toutes les économies, ensuite, on a eu une sorte de désynchronisation. On n'a pas réouvert tous les pays en même temps. Donc, il y a certains pays qui essayaient de dépenser quand d'autres n'arrivaient pas à produire ce qui était demandé. Donc, forcément, ça crée des petits désordres dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur. En gros, il y a quelqu'un qui demande, quelqu'un ne produit pas en face. Donc, ça bloque. On a eu aussi, comme explication, l'ampleur des plans de relance au moment de la Covid. Vous avez des gouvernements qui ont mis beaucoup d'argent sur la table, qui ont dépensé massivement, qui ont aidé les entreprises avec beaucoup d'argent là aussi à la clé. Et là, ça crée beaucoup d'argent dans le système économique et ça peut dégénérer en inflation par moment. On a aussi eu des phénomènes très sectoriels parce que l'inflation, elle n'est pas non plus identique dans tous les secteurs d'activité. Il y a eu des phénomènes où, par exemple, les services étaient fermés. Pendant la pandémie, vous ne pouviez pas aller au restaurant, vous ne pouviez pas aller à l'hôtel. Donc, c'était compliqué. Et les gens qui avaient quand même encore de l'argent, puisque dans les dispositifs gouvernementaux, on a préservé majoritairement les revenus de la plupart des personnes. Quand vous aviez l'habitude de dépenser votre argent pour acheter des services, mais que les services sont fermés, bah vous réorientez vos dépenses. Et en partie, ça a été réorienté vers des biens. Mais comme tout le monde voulait acheter des biens plus qu'avant, bah les entreprises qui fabriquaient des produits industriels n'étaient pas forcément en mesure de les produire. Et l'épargne également, quand même. Comment ? Et l'épargne également. Et il y a eu l'épargne. Alors, l'épargne, après, c'est toujours le même problème, c'est que tout le monde ne touche pas de l'épargne. Enfin, tout le monde n'a pas les moyens de dégager de l'épargne. Je pense qu'en France, j'avais le chiffre, on le cite dans le papier, mais je crois que c'est quelque chose vraiment très concentré, l'épargne. Oui. Parmi les plus riches, je crois que c'est la moitié de l'épargne. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, hein, mais je crois que c'est la moitié de l'épargne Covid, ce qu'on a appelé la surépargne Covid, qui est liée aux 10% seulement les plus riches. Mm-hmm. Donc en fait, dans ces cas-là, oui, il y a des gens qui ont réorienté leurs dépenses vers les biens. Il y a certaines personnes qui ont eu les moyens d'épargner plus, mais pas tout le monde n'a les moyens d'épargner plus. Donc il y a eu ce genre de causes à l'inflation actuelle. Il y a aussi des phénomènes ensuite, bien sûr, qui ont amplifié la hausse des prix à partir du printemps 2022 avec la guerre en Ukraine. Ça, c'est le moment d'accélération de l'inflation. Hein. Elle a commencé au printemps 2021, mais ce qui lui donne vraiment beaucoup d'élan, c'est la guerre en Ukraine avec l'augmentation des prix du pétrole, avec l'augmentation des prix des produits agricoles, puisque Ukraine, Russie, c'était deux pays qui sont quand même spécialisés dans la production de biens agricole, donc le blé. De céréales surtout. C'est ça. Et donc ça a alimenté l'inflation des produits alimentaires, plus généralement, les céréales et ensuite les produits alimentaires. On a aussi eu comme phénomène qui fait pousser les prix à la hausse, ce qu'on pourrait appeler une boucle prix-profit. C'est-à-dire qu'il y a aussi des entreprises qui ont profité de la situation pour augmenter leur marge de profit, c'est-à-dire augmenter leur prix, non pas parce qu'il y avait des coûts, mais augmenter leur prix simplement pour essayer de gagner plus. Et là, on avait une expérience historique vraiment impressionnante, parce qu'en fait, quand on a été habitué à des décennies d'inflation basse, quand on réouvre le jeu de l'inflation, bah, tout le monde essaye d'en profiter. Les entreprises essayent de dire « Eh bah oui, mais moi, j'essaye de rendre, de légitimer une augmentation de coûts que je subis soi-disant pour dire « je vais augmenter mes prix ». En disant, bah, les clients vont comprendre, là on est dans un tel chaos qu'avec la guerre en Ukraine, la pandémie, tout ça, c'est le désordre partout. Donc je peux peut-être essayer de faire passer une augmentation de tarifs comme étant légitime, comme étant liée à une augmentation de coûts, quand bien même je vais peut-être augmenter mes tarifs davantage que les coûts que j'ai subis. Mmh. Et donc vous pouvez aussi avoir un phénomène comme ça d'entreprises qui ont profité du désordre pour alimenter une augmentation de leurs profits. Et ça se mesure ça ? Alors ça se mesure effectivement, on a des indicateurs macroéconomiques, donc au niveau de l'ensemble de l'économie, qu'on appelle par exemple un taux de marge. Donc le taux de marge, c'est le rapport entre les profits et puis la valeur ajoutée, en gros la production qui est réalisée par les entreprises. Et dans cette perspective vraiment pour l'ensemble des entreprises françaises, on avait atteint au printemps 2021 un record historique. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais connu un taux de marge aussi élevé depuis que l'INSEE crée des statistiques. Depuis 1949. Donc on était arrivé à un taux de marge de 36, 36,4% de la valeur ajoutée. Donc sur tout ce qui est produit, en gros, il y avait 36% qui allait en profit. Donc ça, c'était le point haut historique. On n'avait jamais connu ça, donc au premier trimestre 2021. Ensuite, ça a reculé un petit peu, pour plusieurs raisons, mais on est quand même, on s'est maintenu quand même à un niveau historiquement élevé. On est 1,5 point au-dessus de la moyenne de longue période. Donc on a quand même globalement un taux de marge, donc une part des profits dans la valeur ajoutée, qui est supérieure à sa tendance de long terme. Mais derrière cette moyenne, ce taux global, ce taux de marge global, il y a des grandes inégalités entre les entreprises. Puisque vous avez des entreprises qui, en ce moment, ont le couteau sous la gorge. Elles ont des coûts de production qui augmentent, mais elles n'ont pas forcément la possibilité d'augmenter leurs prix, certaines. Alors qu'à l'inverse, vous avez des entreprises qui se sont clairement engraissées depuis quelques mois. Les entreprises qu'on a tout de suite en tête dès qu'on parle des super profits, les fameux super profits, notamment donc Total, côté producteur de pétrole, ou dans les transporteurs, CMA, CGM, qui ont fait des records, des milliards d'euros de profits. Et ces records sont tellement importants, ça représente des masses d'argent tellement importantes, que ça a influencé cette moyenne nationale. Donc derrière le record au niveau de la moyenne nationale, il y a ces super profits qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui clairement ont profité de la situation liée soit au redémarrage d'économie après la pandémie, soit à la guerre en Ukraine pour gagner beaucoup d'argent là-dessus. On peut peut-être parler de l'article. René, tu veux une... Oui, justement, avec Jonathan Marine, l'article que vous avez écrit montre justement une conception, on va dire, originale de l'inflation. Vous parlez d'inflation conflictuelle. En même temps, vous définissez aussi comme post-keynésien. Alors la première question, c'est qu'est-ce que le post-keynésianisme et en quoi se différencie-t-il des théories économiques dominantes et du keynésianisme originel? Oui, alors là c'est... C'est original aussi d'ailleurs. Original, ouais, les deux ça marche. Hein. Sur le keynésianisme, en fait, donc ça se réfère forcément à l'économiste britannique John Maynard Keynes qui avait révolutionné un peu la pensée économique au moment de la crise des années 30. Enfin, il avait écrit dès avant, hein. Il est connu notamment pour sa critique du traité de Versailles suite à la Première Guerre mondiale. C'est comme ça qu'il a pris un peu de reconnaissance. Mais là où il est vraiment important dans l'histoire de la pensée économique, c'est comment il a contribué à arrêter, à changer l'ordre économique au moment de la Grande Dépression des années 30. Les économistes de son temps avaient comme vision dominante que... En gros, l'État ne doit rien faire parce que les marchés s'autorégulent, se rétablissent d'eux-mêmes. Et donc, si on laissait la crise de 1929 durer suffisamment longtemps, les marchés redémarraient spontanément. Et donc, l'État n'avait rien à faire, laisser passer, la grande doctrine libérale traditionnelle. Keynes arrive dans ce jeu-là et dit non, les marchés ne sont pas autorégulateurs. Si vous laissez faire le fonctionnement des économies, ça ne marchera pas. La crise va durer, on va s'enfoncer, on va s'enliser dans une crise durablement. Et donc, vous avez besoin, quand le secteur privé ne dépense plus, quand les ménages ne consomment plus, quand les entreprises n'ont plus confiance, qu'elles n'investissent plus, vous avez besoin de quelqu'un qui dépense dans l'économie. Et ce quelqu'un, ça doit être l'État. L'État a les moyens d'inverser la conjoncture économique parce que c'est un acteur massif, qui a la main sur des milliards de monnaies nationales, hein, milliards d'euros, milliards de dollars à l'époque aux États-Unis ou milliards de livres sterling pour le cas du Royaume-Uni. Donc vous avez un levier important d'action, vous dépensez massivement et ça relance l'économie. Ça donne du revenu à d'autres personnes qui vont à leur tour dépenser ces revenus supplémentaires qu'ils viennent de recevoir et ainsi l'économie redémarre. Donc ça, c'est le message essentiel du keynésianisme traditionnel. Il invente en même temps la politique économique et la macroéconomie, je peux dire comme ça. C'est ça, c'est le double père de la macroéconomie et d'une certaine conception de l'État comme étant... obligé d'intervenir pour stabiliser l'économie, pour faire en sorte qu'on n'aille pas trop loin dans le chômage, qu'éventuellement on n'aille pas non plus dans la surchauffe économique. Donc l'État était censé un peu contrôler tout ça, être aux manettes de l'économie pour guider l'économie vers la meilleure situation possible pour la collectivité. Donc ça, c'est le message initial des keynésiens. Mais Keynes disparaît finalement quelque part trop tôt, comme souvent les grands penseurs. Et derrière, vous avez une bataille d'héritage. Il y a plusieurs économistes qui vont essayer de s'approprier le message keynésien. Et vous avez des économistes dominants, des gens qui, à l'époque, étaient plutôt donc, partisans du laisser-faire, qui vont se dire bah, on va récupérer certaines des idées de Keynes, mais au sein de notre cadre libéral traditionnel. Mmh. Et ça, c'est notamment ce qu'on va appeler les courants dits de la synthèse néoclassique ou de la synthèse néo-keynésienne. C'est une espèce de mélange. Donc, si vous aimez les cocktails, vous mettez deux doigts de keynésianisme et puis trois doigts éventuellement d'école néoclassique. Ça vous fait quelque chose de voilà, plus ou moins buvable selon les préférences des uns et des autres, mais vous mélangez un message keynésien avec autre chose. Donc ça, c'est ce qui a dominé l'enseignement de l'économie pendant des années. C'est ce qu'on enseigne d'ailleurs encore aujourd'hui très largement dans les facs. Hein, c'est la synthèse néoclassique, nouvelle néo-keynésienne, et puis des versions, alors ça serait peut-être trop long de rentrer dans le détail, mais des versions nouvelles keynésiennes, puisqu'après il y a plein de sous-courants, enfin l'économie c'est une vraie jungle, hein, il y a plein de parfums différents. Donc ça c'est le message dominant. Nous, quand on dit qu'on est post-keynésien, on se place au niveau du conflit d'héritage en disant « faut qu'on reste fidèle à Keynes ». C'est-à-dire que Keynes n'aurait pas accepté cette abâtardisation de son message, la manière dont il a été récupéré par les économistes contre lesquels il combattait lui-même. Donc nous, on veut rester fidèle à Keynes, et on a une sorte d'autre cocktail, à nouveau, désolé pour sur cette heure peut-être un peu trop matinale pour parler de cocktail, mais cette fois-ci, on fait une synthèse entre plutôt Keynes et un autre grand auteur, Marx. Donc le post-keynésianisme, ça tire aussi... comme inspiration, ça tire ses racines dans le message marxiste. Et donc vous avez des auteurs post-keynésiens qui sont des grands connaisseurs de Marx, vous avez Kalecki, vous avez Joan Robinson, qui ont aussi connu et apprécié les écrits de Marx, quand Keynes, lui, était quand même un peu plus critique vis-à-vis de Marx. Donc le post-keynésianisme, c'est un message de Keynes, mais un message radical du keynésianisme. Alors quand on revient sur l'origine donc du cadre de l'inflation conflictuelle, on retrouve d'ailleurs cette double origine. C'est-à-dire que quand on avait écrit l'article donc pour la revue Les Possibles avec Jonathan Marie, on avait eu des échanges avec Jean-Marie Haribé. Jean-Marie Haribé, je pense que si vous l'interrogez, il vous dirait c'est un économiste marxiste. Pas post-keynésien. Et donc, quand on avait présenté notre cadre de l'inflation conflictuelle, il nous avait signalé, là, ce que vous dites, vous êtes gentils, les gars, mais c'est pas que post-keynésien, cette histoire. Il y a un autre auteur qui a parlé de ça. Cet autre auteur, c'est Marx. Et donc, le cadre de référence qu'on utilise dans notre article avec Jonathan Marie, nous, on le labellise post-keynésien, mais on a bien conscience, bien sûr, des emprunts que ce cadre doit au marxisme. L'auteur de référence chez les post-keynésiens qui est cité dès qu'on parle du conflict inflation, donc de l'inflation conflictuelle, il s'appelle Robert Rosland. Et en fait, c'est un économiste marxiste. Donc on a cette double paternité du cadre théorique qu'on utilise, Keynes et Marx. D'accord. Donc les post-keynésiens et on les appelle aussi néo-marxistes sont assez proches. On peut dire ça. Alors, il peut y avoir en fait beaucoup de proximité. Alors après, dans l'analyse théorique, ensuite, là où il peut des fois y avoir des divergences, ça pourrait être sur l'idéal politique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que sur la transformation de la société, jusqu'où on va. Souvent, les keynésiens, on va les accuser d'être quand même partisans d'une forme de capitalisme régulé, mais du capitalisme. Là où les marxistes disent non, il faut sortir du capitalisme. Donc là, c'est plutôt sur l'objectif de politique qu'il y a derrière. Après, personnellement, j'ai tendance à me positionner là-dessus en disant que moi, je veux tellement réguler que le capitalisme qu'à l'arrivée, bon, on peut encore appeler ça capitalisme, mais en vrai, c'est tellement régulé que je pense que l'épaisseur qui nous distingue des partisans de la sortie du capitalisme est assez étroite. D'accord. Et donc, j'en viens à la deuxième question. En quoi la perte du pouvoir de revendication du salariat a une influence sur l'inflation actuelle ? Conflictuelle aussi. Ce que vous appelez justement l'inflation conflictuelle. Oui, donc en fait, le cas de l'inflation conflictuelle, c'est l'idée que tout le monde se paye sur les prix. Quand vous avez un prix, tout le monde essaye de tirer sa rémunération de ce prix-là. Tout le monde se bat sur le même morceau. Et donc chacun essaye de tirer dans son sens, chacun essaye de s'approprier une part de la richesse au détriment des autres. Ça, c'est le cadre général de l'inflation conflictuelle. Et donc, vous avez une bataille qui va se jouer sur qui va accepter ou qui va finir par devoir accepter que sa part se réduise. C'est ça l'inflation conflictuelle. Donc dans les débatteurs, donc ceux qui se battent sur le partage de la valeur ajoutée pour essayer de s'approprier la plus grosse part du gâteau possible, vous avez bien sûr les salariés qui, eux, vont essayer d'obtenir des augmentations de salaire les plus importantes possibles. Vous avez les entreprises qui vont essayer d'obtenir la part des profits la plus élevée possible. Mais vous avez aussi comme protagoniste l'État. L'État qui va chercher, lui aussi, à éventuellement récupérer des impôts, des recettes fiscales pour alimenter un certain nombre de politiques économiques derrière. Donc quand on parle d'inflation conflictuelle, c'est que chacune de ces parties prenantes va essayer d'augmenter sa part au détriment des autres. Et ce qu'on avait dans le cas d'inflation historiquement précédent, là où avant que la période de la grande modération dont je vous parlais tout à l'heure démarre, quand l'inflation avait disparu, on avait quand même connu par le passé une inflation assez importante dans les années 70-80. Voilà, oui. Et la période de la stagflation. C'est ça, donc la stagflation, la concomitance d'une stagnation économique et de l'inflation en même temps. Donc quelque chose qui ressemble, si on regarde la situation actuelle, à ce qu'on vit. Actuellement, l'économie est plutôt en train de stagner. Vous avez la crainte d'une récession, la crainte d'une baisse du niveau d'activité économique. Et en même temps, vous avez une augmentation des prix. Donc, du point de vue de la définition de ce qu'on pourrait appeler stagflation, oui, on a stagnation et en même temps, on a inflation en ce moment. Mais ce n'est pas la même chose qu'à l'époque. Puisque à l'époque, vous aviez un pouvoir de négociation des travailleurs qui était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Vous aviez des mécanismes institutionnels qui encadrait ce partage de la valeur ajoutée. Vous aviez notamment l'idée de l'indexation des salaires sur les prix. Quand les prix augmentaient, automatiquement les salaires suivaient, ce qui préservait le pouvoir d'achat des travailleurs. Aujourd'hui, ce truc-là, c'est plus le cas, et c'est plus le cas depuis un moment. On a supprimé l'indexation depuis le début des années 80, 82, si je me rappelle bien. C'est pour ça que dans les années 70, en fait, 80 plutôt, on était sur des inflations à 13-14%, et c'était pas dramatique, quoi. On vivait plutôt, enfin pas bien, mais c'était pas dramatique. Ça dépend, pas dramatique pour qui, à chaque fois. C'est-à-dire que c'était pas dramatique pour les travailleurs, au sens où les travailleurs avaient des revenus qui étaient indexés sur les prix. Par contre, c'était plus gênant pour une autre partie prenante, les entreprises. Parce que traditionnellement, les entreprises, elles cherchent à augmenter leurs prix pour répercuter dans leurs prix l'augmentation de coûts qu'elles ont subis. Dans les coûts que subissent les entreprises, il y a clairement les salaires. Donc si les entreprises, quand elles subissent une augmentation de salaire, répercutent cette augmentation de coûts dans leurs prix, le prix augmente, ok. Mm-hmm. Mais quand il y a indexation, comme dans les années 70, les salaires vont augmenter encore au tour d'après. Ce qui poussera les entreprises à nouveau augmenter leurs prix. Et donc vous avez le risque de ce qu'on appelle en économie une boucle prix-salaire. Une inflation qui s'accélérerait sans cesse à cause des institutions. Et dans les faits, ce qui s'est passé dans ces années 70... c'est que vous avez eu ce qu'on a appelé en économie, désolé, la langue de l'économie c'est souvent l'anglais, c'est ce qu'on a appelé le profit squeeze, donc la réduction des profits. Parce que les entreprises, au bout d'un moment, elles étaient prises au dépourvu au moment des chocs pétroliers. Elles ont subi une augmentation de coûts, elles ont donc essayé d'augmenter les prix, mais derrière les salaires ont suivi. Et donc elles sont restées sur les bras avec l'augmentation du prix du pétrole. Alors ça s'est fait au bout de plusieurs années, mais... grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un trou dans les profits pour les entreprises. Donc c'était bien l'indexation des salaires pour les salariés, puisqu'on préserve leur pouvoir d'achat. C'est plus délicat pour les entreprises qui subissent une perte de profit. Et aujourd'hui, on est clairement, et c'est la grande différence avec la stagflation des années 70, on s'est déshabitué, ou en tout cas on a supprimé les institutions qui avaient permis dans les années 70 de rendre indolore l'inflation pour les travailleurs. Puisque aujourd'hui, l'indexation, il n'y en a plus. Autre chose qui permettait aux travailleurs d'avoir un pouvoir de négociation important, c'était le plein emploi. Quand vous avez un taux de chômage très bas, les travailleurs peuvent obtenir satisfaction dans leurs revendications salariales parce que le chef d'entreprise, il n'a pas vraiment la capacité de jouer sur ce qu'on pourrait appeler le chantage à l'emploi, une sorte d'effet armée industrielle de réserve. On ne peut pas vous dire « je refuse de vous filer votre augmentation de salaire parce que de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. Moi, j'ai plein de travailleurs qui attendent pour prendre votre place. » Ça, ça ne marche pas si on est au plein emploi. Et donc les travailleurs arrivaient à obtenir des augmentations de salaire. Et autre chose qui joue aussi en faveur du pouvoir de négociation des travailleurs qui ne joue plus vraiment aujourd'hui, c'était la puissance des syndicats. À l'époque, on avait un taux de syndicalisation qui était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Donc tout ça mis bout à bout, fin de l'indexation automatique des salaires sur les prix, augmentation du chômage, diminution du taux de syndicalisation, tout ça, ça fait que finalement vos travailleurs sont moins en mesure d'obtenir des hausses de salaire. Et quand vous pensez en plus avec les réformes du marché du travail qui ont flexibilisé le marché, vous avez des travailleurs qui sont quasiment rendus impuissants dans la négociation salariale. Ce qui explique qu'aujourd'hui, la situation elle est clairement douloureuse pour le monde du travail. L'inflation, les prix augmentent, les salaires ne suivent pas. Et là, ça devient pénible. Et puis, ils ne peuvent pas se revendiquer des gains de productivité, parce qu'actuellement, ce n'est pas terrible, quoi, un gain de productivité par rapport à la période dont je parlais tout à l'heure. Exactement. C'est l'autre point qui change par rapport à la stagflation, hein. C'est le rythme des gains de productivité. Dans les 30 glorieuses, hein, les 30 années d'après-guerre, grosso modo, on avait des gains de productivité qui étaient quasiment à 6% par an. Ensuite, dans les 20 années qui suivent, on est déjà sur des gains de productivité qui sont beaucoup plus lents, aux alentours de 3% par an. Aujourd'hui, on peine à atteindre 1% par an. Mmh. Et d'ailleurs, c'est vraiment une variable très importante, les gains de productivité. On en reparlera peut-être un moment avec les histoires de réforme des retraites qui avaient été abordées tout à l'heure. Ça conditionne le financement des réformes des retraites, hein, les gains de productivité. Mais ça conditionne aussi les augmentations de salaire. Ce qui était un merveilleux outil pour créer quelque part un peu de réconciliation d'intérêts divergents entre entreprises et travailleurs, c'était justement les gains de productivité dans les 30 glorieuses. Parce que une entreprise, elle peut augmenter vos salaires de 6% par an si vous êtes 6% plus efficace qu'avant. Parce que pour elle, vous n'allez pas lui coûter plus cher. Ce que vous coûtez vraiment en tant que travailleur à votre entreprise, c'est le rapport entre ce qu'elle vous verse en salaire et ce que vous apportez à l'entreprise en termes de production. Si vous êtes plus productif, elle peut vous augmenter les salaires. Si vous n'êtes pas plus productif, l'augmentation de salaire va directement pénaliser éventuellement ses profits. Et on retrouve les questionnements qu'on abordait avec le fameux profit squeeze, la réduction des profits. Donc là, actuellement, on a une perte de gains de productivité. Les gains de productivité n'augmentent quasiment plus. D'ailleurs, beaucoup d'économistes essayent d'expliquer d'où ça vient, ce truc-là. Mais ça met en danger les revendications salariales. Puisque sans gains de productivité, les entreprises vont avoir la main plus ferme dans la répartition de la valeur ajoutée. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Moi, je prends un petit exemple rapide, mais on a l'automatisation, la robotisation qui ont eu lieu tout au long des dernières décennies, mais principalement années 90, années 2000. Et donc, du coup, on peut avoir aussi la conséquence de ce ralentissement-là, où en fait, on peut ajouter plus de machines, mais on ne va pas rajouter plus de personnes et on ne va pas forcément gagner en productivité, quoi. Oui, et alors après, pendant les années 90, les économistes avaient été face déjà à ce qu'on avait appelé le paradoxe de la productivité. Solo, voilà, c'est ça. La productivité est partout, sauf dans les chiffres, sauf dans les statistiques de la productivité. C'est-à-dire qu'on voyait autour de nous la modernisation, l'automatisation, les débuts de l'informatisation, mais on ne retrouvait pas ces gains dans l'efficacité qui étaient a priori là, dans les statistiques de productivité. Aujourd'hui, on se dit aussi qu'on a vraiment eu une automatisation encore grandissante. Ça continue à se moderniser. Et pourtant, les statistiques de productivité ne sont pas top. Et ce qui pourrait expliquer ce paradoxe, une partie de l'explication, pourrait venir aussi à la transformation de l'emploi ces dernières décennies. Vous avez eu la multiplication de ce que le regretté David Graeber appelait les jobs à la con, les bullshit jobs. Le développement d'emplois, de services très peu productifs qui vont éventuellement venir baisser la moyenne nationale sur les gains de productivité. Donc vous pouvez aussi avoir ce genre de phénomène qui explique le paradoxe actuel du ralentissement des gains de productivité, c'est qu'en gros maintenant vous avez plein de boulot à la con, quoi. Ouais. Et donc on va revenir sur cette question, on va revenir à l'inflation conflictuelle quand même, ou plutôt la façon de que le gouvernement a, la conception du gouvernement de l'inflation, c'est quoi ? Justement, c'est ça le problème. Parce qu'on essaie de lutter avec des primes, avec les dispositifs, les 100 euros pour l'essence, et puis ce fameux panier de 20 produits de base. Donc on est complètement en décalage par rapport à ça. On est sur une autre planète. Là. On ne parle pas de la même chose, on n'est pas dans le même pays, je ne sais pas. En fait, je pense que les mesures gouvernementales ici, elles sont non pas dans la lutte contre l'inflation, elles sont dans l'atténuation des désagréments de l'inflation pour les ménages, principalement, et pour les entreprises aussi, puisqu'on pourrait parler, enfin vous en parlez je pense davantage avec Laurent Cordonnier en mars, des aides publiques aux entreprises. Donc l'État, ici, quand il développe ses politiques de chèque énergie, de panier de biens, de consommation courante, etc., il n'est pas en train de se dire « je vais arrêter l'inflation ». Il est en train de se dire « je vais aider certaines catégories de la population à vivre avec cette inflation-là ». Mais on ne l'arrête pas. Hein. Là, c'est juste essayer d'acheter un peu la paix sociale, en gros. C'est un palliatif, on peut dire. C'est ça. C'est vous aider les gens à vivre avec l'inflation sans remettre en cause les structures de l'économie. Parce qu'il y avait un autre choix, hein, potentiellement. Le choix, il est sur la table. Hein. Réindexer les revenus. On a indexé, oui. Réindexer les revenus, c'est la meilleure manière de protéger les catégories populaires. Si les salaires augmentent au même rythme que les prix, votre pouvoir d'achat ne diminue pas. Mais ça, ça pose problème. Parce que si vous faites ça, il y a plusieurs manières de s'opposer, qui ont été d'ailleurs brandies, hein, ces excuses que je vais vous donner maintenant, par le gouvernement ou par le patronat. Bon, sachant que des fois, on a du mal à distinguer les deux. Mais vous avez eu l'idée, si vous réindexez les salaires, ça va alimenter une boucle de nouveaux prix-salaires. C'est-à-dire qu'on a peur que l'inflation, une fois qu'elle est là, on n'arrive plus à la contrôler. Elle accélère sans cesse, sans limite. Sauf que non. Vous indexez les revenus sur les prix, vous allez avoir certes peut-être une inflation qui sera un peu plus élevée que si on ne l'avait pas fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle va sans cesse s'accélérer, on ne va pas perdre totalement le contrôle de l'inflation. Donc ça, c'est la première excuse qui est donnée. N'indexez pas les revenus, sinon, hop, c'est la foire, c'est fini. C'est l'hyperinflation, Venezuela, etc. etc. Vous voyez les exagérations traditionnelles qu'on peut faire, vous dénoncez un problème sur la base de votre problème va se transformer en chose totalement caricaturale. La deuxième excuse qui était donnée plutôt par le patronat cette fois-ci, même si elle est faite à demi-mot, c'est que si vous réindexez les revenus sur les prix, qu'est-ce que vous changez? Vous changez surtout la répartition de la valeur ajoutée entre salaire et profit. Et c'est ça en fait dont ils ne veulent pas entendre parler. Vous avez un pays qui n'est pas très loin d'ici, hein, qui n'est pas une dangereuse république socialiste. Vous avez la Belgique, qui a conservé en partie un régime d'indexation. Alors, c'est des fois des choses assez complexes. Hein. Vous avez de l'indexation qui va être basée sur plusieurs partenaires commerciaux à l'international. Enfin, vous avez des dispositifs qui ne sont pas hyper simples. Mais vous avez une forme d'indexation en Belgique. Et en fait, depuis que nous, en France, on a arrêté l'indexation, et depuis que les Belges, eux, l'ont maintenue, bah, vous pouvez voir les effets sur le partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en Belgique, vous avez une part des salaires qui est un peu plus élevée qu'en France, notamment parce que vous avez cette forme d'indexation. Si on avait indexé les salaires là, suite à la crise de l'inflation actuelle depuis le printemps 2021, bah, on aurait eu une modification, une transformation dans le partage de la valeur ajoutée, et ce sont les entreprises qui auraient laissé des plumes. Et ça, clairement... Si vous voulez une boussole pour comprendre la politique économique du gouvernement, c'est celle-ci. Hein. C'est on ne veut pas entendre parler de baisse de la part des profits dans la valeur ajoutée. La réforme des retraites, pourquoi vous avez une telle opposition du gouvernement au relèvement du taux de cotisation? C'est parce qu'on a peur que ça remette en jeu une diminution de la part des profits dans la valeur ajoutée, que ça augmente le coût du travail, les histoires de compétitivité, enfin bref, tout ce que vous avez l'habitude d'entendre à longueur de journée dans les médias dominants. Oui, je renvoie, sur le partage de la valeur ajoutée, je renvoie au graphique de ton article, là, qui est tout à fait parlant. Il y a vraiment une chute au milieu des années, donc 81 d'ailleurs, curieusement, une chute de la part de la valeur ajoutée de la part des salaires dans la valeur ajoutée, je veux dire... C'est assez spectaculaire. Donc on en vient, justement, tu prends le problème à l'envers, c'est-à-dire, est-ce que ça pourrait pas offrir des opportunités, cette inflation, précisément? Alors l'inflation, effectivement, tout le monde ne souffre pas de la même manière de l'inflation. Donc tout à l'heure, on a parlé du cas, est-ce que vos revenus sont indexés ou pas sur les prix, ce qui vous permet de préserver votre pouvoir d'achat. Mais il y a une autre dimension qui est assez importante quand on discute d'inflation, c'est la dimension d'endettement. Quand vous avez des prix qui augmentent, ça dévalorise le poids des dettes. En gros, vous devez toujours rembourser la même somme qu'avant, mais comme vous allez gagner, alors modulo l'indexation parfaite ou pas de vos revenus sur les prix, comme vous allez gagner une plus grande quantité d'unités monétaires, une plus grande quantité d'euros, vous allez pouvoir rembourser plus facilement votre dette. Et historiquement, si on prend le XXe siècle, l'inflation, c'est ce qui avait permis au gouvernement de rembourser les dettes publiques qu'elles avaient contractées à l'occasion des grandes guerres, des deux guerres mondiales. Et là, on a potentiellement une opportunité historique, là aussi, d'utiliser l'inflation pour aider les catégories endettées à se désendetter, à rembourser petit à petit leurs dettes. Dans les catégories endettées, il y a bien sûr l'État. L'État peut avoir un intérêt objectif à avoir un peu d'inflation. Alors, il faudrait mettre la petite astérisque qui va bien, c'est que depuis les merveilleuses idées de Dominique Strauss-Kahn en 1997, une partie de la dette publique en France est contractée avec une indexation sur l'inflation. C'est-à-dire que quand l'inflation augmente, les remboursements dus aux créanciers vont augmenter aussi. Donc ça, c'est un merveilleux outil, catastrophique bien sûr, qui a été créé au bonheur absolu des financiers. Alors ça ne représente pas toute la dette publique, hein, donc voilà, il ne faut pas non plus grossir le problème. Mais globalement, si vous avez une augmentation de l'inflation, l'État pourrait se désendetter plus facilement, il perçoit plus d'impôts, ça lui permet de rembourser une plus grande quantité de dette. Dans les catégories endettées, il y a aussi les entreprises, on en parle beaucoup moins, oui. Mais les entreprises sont très endettées. Un peu d'inflation, ça pourrait aussi les aider, mais à nouveau, à condition qu'elles puissent récupérer davantage de revenus, davantage de chiffres d'affaires. Les ménages, il y a aussi beaucoup de ménages qui sont endettés. Oui, l'endettement des ménages plus entreprises, c'est supérieur à l'endettement de public, enfin, de la dette publique. La seule dette des entreprises suffit. Oui. Et donc, en fait, vous avez un intérêt à laisser filer l'inflation à condition, et c'est ça le plus important, à condition que les revenus suivent. Parce que dire aux gens, bah oui, l'inflation c'est cool, ça permet de rembourser les dettes. Si vous avez le même salaire qu'avant, les prix qui ont augmenté, ça vous permet pas forcément de rembourser vos dettes. Hein. Vous allez juste être étranglé dans vos choix de consommation. Donc ça va être compliqué. Il faut vraiment que les revenus suivent pour faciliter dans la vie quotidienne, ces remboursements de dettes. Et là, on a une opportunité historique de le faire, mais ça suppose de remettre sur pied les institutions qui permettent de faire en sorte que les salaires, les revenus, progressent au même rythme que les prix, pour les ménages notamment. Pour se projeter un peu dans l'avenir, il faut aussi se rendre compte que l'inflation qu'on a connue à partir du printemps 2021, je parlais tout à l'heure de cette datation-là, actuellement, elle est vraiment alimentée par les causes qu'on avançait, notamment la guerre en Ukraine. Si on se projette un peu plus loin, fin du conflit russo-ukrainien, les prix du pétrole vont peut-être se retourner un peu plus bas, d'autres facteurs actuels de l'inflation vont disparaître. Mais en fait, tout ne va pas disparaître. C'est-à-dire que dans l'inflation qu'on risque de connaître dans les années qui viennent, il y a aussi la transition écologique qui va jouer. Oui. C'est-à-dire que la transition écologique, c'est l'idée qu'en fait, le pétrole, bon marché, c'est quasiment fini. Là, il est élevé parce que vous avez la guerre en Ukraine. Mais ensuite, une fois que ce conflit-là sera derrière nous, la demande de pétrole mondial est encore forte. Comme les ressources ne sont pas forcément en face, vous allez avoir tendance à avoir un pétrole aussi assez cher. Mais plus globalement, l'ensemble des ressources naturelles vont subir à peu près le même sort. Donc vous avez besoin de vous habituer avec un niveau d'inflation un peu plus élevé que ce qu'on avait connu lors des 25 ou 30 dernières années. Mais ça suppose, à nouveau, la mise en place de politiques économiques, d'institutions qui vont permettre aux citoyens, aux entreprises, aux États de s'en sortir face à cette inflation-là. Là, elle avait disparu. Donc, on avait un peu perdu nos repères. On ne savait plus trop comment gérer une situation où l'inflation était là pour rester. La transition écologique va peut-être nous amener à réimaginer des dispositifs nouveaux ou à récupérer des dispositifs anciens qui avaient fait leurs preuves pour permettre à chacun de passer le cap. Et avec un peu d'inflation, tous ceux qui sont endettés, si on a les bonnes institutions, ça favorisera une disparition des dettes. Et ça, ça peut remettre à zéro les compteurs et ça peut être souhaitable pour beaucoup de secteurs économiques. Oui, d'autant plus que le désendettement, justement, notamment des États, pourrait leur permettre de financer la transition écologique. Donc. Bien sûr, là vous avez je parlais d'opportunités historiques, là on en est clairement sur le sujet. Vous devez avoir à la fois la capacité avec l'inflation de rembourser les dettes passées, mais vous avez aussi la possibilité de mettre en place des projets d'investissement qui permettront de faciliter cette transition écologique, diminuer la dépendance au reste du monde, à l'extérieur, favoriser une nouvelle production d'énergie, à relocaliser les activités. Il y a 50 sujets qui sont ici importants. Financer l'école et l'hôpital aussi. Oui. Si je me permets un petit détour, mais pour revenir au même endroit, en fait, on a l'impression que la vision de la compétitivité portée par le gouvernement, c'est une vision monétariste instantanée. Il faut qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut investir en France ait du profit et qu'elle gagne un maximum pour mettre son argent ici. Mais en fait, il y a aussi une logique long terme de les entreprises s'installent parce qu'il y a des infrastructures et du coup, encore plus long terme avec peut-être pas si long terme, avec le réchauffement climatique ou l'adaptation du pays au réchauffement climatique va être aussi un facteur clé de sa réussite économique dans le futur, en fait. Et on est un peu en train de passer à un côté de ça, quoi. Et c'est pas l'ordre du jour, effectivement. Et ce qui peut-être est, enfin, ce qui est un peu inquiétant en ce moment, c'est que vous avez une forme de concurrence qui se joue entre les États pour essayer d'attirer les entreprises. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé aux États-Unis du plan Biden. Officiellement, le plan Biden, c'est le nom, je ne sais plus en anglais comment il s'appelle, mais c'est un plan de lutte contre l'inflation. Et derrière ce qui s'appelle plan de lutte contre l'inflation, il y a un plan massif d'aide aux entreprises. Mais pas qu'aux entreprises américaines. Il y a un plan massif d'aide aux entreprises qui viendrait s'installer aux États-Unis pour y produire. Et notamment dans le domaine de la transition écologique, la voiture électrique, les batteries électriques, les panneaux solaires. Si vous ouvrez une usine sur le sol américain, vous allez percevoir une masse d'aides publiques colossales. Et ça pousse les entreprises européennes à s'interroger sur est-ce que ça ne vaut pas le coup qu'on aille se délocaliser et ouvrir des sites industriels aux États-Unis. Et c'est ouvertement fait actuellement. Le gouvernement américain drague méchamment les grands sites industriels allemands en leur disant « Venez chez nous. Vous avez un coût de l'énergie qui est plus bas qu'en Europe. » Et clairement, bah oui, aux États-Unis, vous avez les pétroles et gaz non conventionnels, hein, de schiste et autres. Que d'ailleurs, en ce moment, bah, on est bien content de pouvoir acheter aux États-Unis, mais que les États-Unis nous vendent bien plus cher que ce qu'ils vendent à leurs propres entreprises. Enfin bref, on est en plein dans ce sujet de... manque de coopération au niveau international. Chacun va essayer de tirer sa propre carte du jeu. Le gouvernement américain veut attirer à lui les entreprises mondiales pour produire aux États-Unis, pour consolider le poids de l'économie américaine. Et face à ça, bah, que vont faire les Européens ? Bah, en France, on avait déjà bien commencé. Hein. On essaye aussi de garder nos entreprises avec des aides publiques massives aux entreprises. Et donc là, ça va être aide contre aide. Chacun va essayer d'attirer les entreprises avec le maximum d'appui. Ça peut être donc des subventions, ça pourra être aussi, et on l'a encore dans l'actualité ces derniers mois, baisse des taux d'imposition. Vous réduisez les impositions sur les entreprises, les impôts de production et ainsi de suite. Donc vous avez cette concurrence fiscale qui joue là où on devrait essayer d'avoir une coopération à l'échelle internationale pour mieux préparer cette transition écologique. Mais là, c'est du chacun pour soi. Mon Dieu, les critères de Maastricht, où sont-ils? Ben, c'est un vrai problème, quand même. L'inflation à 2%, où elle est, quoi, entre autres. Après, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus du tout ce qu'on pensait qu'elle serait. On joue de plus en plus, comme tu le dis, enfin, moi je le pense évidemment, de plus en plus sa propre carte, quoi, les États. L'Allemagne, par exemple, c'est typique, elle a toujours joué une carte allemande et pas vraiment européenne. Sur les sujets ici des aides publiques aux entreprises, on a une espèce de convergence vers le bas des taux d'imposition à l'échelle européenne. Chacun va essayer d'abaisser son taux d'imposition pour attirer les entreprises européennes qui doivent avoir des succursales en Europe, hein, sur son territoire. Le cas absolu, bien sûr, c'est l'Irlande et le Luxembourg, ou même les Pays-Bas, qui ont organisé ces dernières décennies vraiment une concurrence fiscale qui a poussé tous les États à se déshabiller en termes de recettes fiscales. Alors bien sûr, on pourra nous opposer que désormais, vous avez l'accord pour un taux d'imposition minimal à l'échelle mondiale pour les pays de l'OCDE. Ok, mais le taux minimal qui était retenu est tellement bas que ça risque de se transformer, ce minimum, en maximum, comme souvent. Et donc, vous aurez vraiment une diminution de la pression fiscale sur les entreprises qui empêchera les États de mener les politiques de transition écologique qui sont pourtant absolument nécessaires. Va falloir que tu nous dises un mot de conclusion quand même sur tout ce travail. Alors, un mot de conclusion sur tout ce travail. J'imagine que ce que vous attendez de moi, c'est une note d'espoir, mais c'est pas forcément facile à trouver l'espoir dans ce domaine-là. Sur le plan de l'inflation, la note d'espoir que je vois pour l'instant, c'est bien sûr que bah, cette semaine, on a quand même eu une belle démonstration de force du monde du travail. Et que elle n'était pas forcément attendue de la part du camp d'en face. Elle peut faire peur, elle peut rebattre les cartes. Et donc l'espoir, c'est bah oui, la mobilisation, ça peut inverser la donne sur une réforme des retraites, mais pas que. C'est-à-dire qu'une mobilisation victorieuse pourrait en appeler d'autres et pourrait permettre de modifier un peu le rapport de force qui n'est pour l'instant pas à l'avantage du monde du travail. Bon, c'est déjà pas mal, effectivement. Je pensais que tu allais terminer sur l'inflation. C'est pas seulement un problème monétaire, économique, c'est surtout un problème de rapport de force entre le salariat et puis le patronat. Mais c'est ça, en fait. Ce que je disais, c'est les manifestations de cette semaine ont montré qu'il y avait du rapport de force. Donc l'inflation, effectivement, quand on parle d'inflation conflictuelle dans le papier, on dit bien que c'est pas qu'un phénomène économique. C'est un phénomène qui met en jeu les rapports de force des différentes catégories qui participent au conflit sur la répartition. Les entreprises, l'État, les salariés. Et il faut que actuellement la partie la plus faible, le monde du travail, il faut qu'elle récupère des forces, qu'elle profite de l'élan créé par des mobilisations victorieuses pour essayer de récupérer un peu de grippe. Désolé pour ce mot qui n'est pas forcément très français, mais c'est pas grave. Dans la répartition sur la valeur ajoutée, qu'elle récupère un peu de pouvoir et donc de revenus. Eh bien, on reste sur sur cette conclusion et sur cet optimisme. Merci Thomas pour cette démonstration. On savait que c'était complexe, mais je pense que ça a été très clair. Eh bien, on est toujours sur Radio Campus et on va écouter une petite chanson, Florent. Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et le meilleur ton salaire, en pauvre chez Leclerc. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de nous coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le sapeur-pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère. Oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre. Et donc, c'était « Sois pauvre et tais-toi » de Salle Majesté. Et donc, on passe aux actualités d'attaque. Oui, on passe aux actualités d'attaque. Eh bien, on va commencer par le plan national. Et curieusement, ce titre, c'est « Retraite, c'est non ». Oui, vous vous en doutez, bien sûr, en cette période cruciale de mobilisation contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement, Attaque s'est pleinement investie dans ce combat. Relais de l'appel à manifestation du jeudi 19 janvier avec kit de mobilisation proposé aux militants et militantes d'Attaque. Retour des rosies, dont je suppose vous vous souvenez des prestations. Plateforme de mobilisation 64 ans c'est non, lancée par le collectif Nos Retraites, la Fondation Copernic et les économistes atterrés, avec bien sûr Attaque. Campagne pour le droit à une retraite digne et heureuse. Et plusieurs articles et vidéos à consulter sur le site, comme par exemple financer les systèmes de retraite sans report de l'âge légal, c'est possible. Où est évoquée la dramatisation par le gouvernement de la question du financement et la volonté de réduire la contribution de l'État, favorisant ainsi les régimes privés complémentaires et de capitalisation. Et également la possibilité d'un autre financement en revenant sur les politiques d'exonération de cotisations et les politiques fiscales, bien sûr. Et toujours au plan national, l'Observatoire de l'justice fiscale, qui est hébergé sur le site d'Attaque, nous dit quoi, René ? Ben je vais prendre le relais. Ah, pardon, c'est Quentin, excuse-moi. Pas de mal. On parle donc d'un bilan fiscal du premier quinquennat Macron, où on parle de 37 milliards d'euros de pertes de recettes pour l'État en 5 ans. Donc, à rappeler, hein, dans ce contexte où le gouvernement semble, même si parfois il ne le dit pas complètement, vouloir assez ouvertement faire des économies sur le système de retraite, il faut rappeler qu'on peut prendre trois mesures du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui sont la baisse des taux d'impôt sur les sociétés qui a coûté au moins 11 milliards d'euros en 2022, enfin au bilan 2022. Donc on parle d'une baisse progressive des impôts sur les sociétés de 33,3% à 25% en 2022. Ouais. Et qu'on peut mettre en parallèle avec l'augmentation des profits, on en reparlait plus tôt dans l'émission, qui atteignent des sommets. Et donc du coup, si on avait maintenu le taux d'imposition de 33,3%, les recettes de l'État auraient été abondées de plus de 11 milliards d'euros en 2022, donc juste sur l'année 2022. C'est un peu plus que le montant de déficit de la branche vieillesse estimé pour 2027. Donc voilà, l'ordre d'idée, c'est de vous dire qu'on aurait rapporté 11 milliards d'euros de plus en 2022 et qu'on parle du déficit qui, aujourd'hui, a priori, veut justifier la réforme des retraites, qui serait lui-même d'un montant de 10 milliards d'euros. Autre mesure, pardon. Le prélèvement forfaitaire unique qui a été réduit, qui représente 2 milliards d'euros par an de manque à gagner, et la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, donc 3,2 milliards d'euros par an, multiplié par le nombre d'années, on a une baisse assez conséquente des recettes de l'État, et derrière on veut justifier la réforme des retraites par des économies. Face à la violence d'État, défendons nos droits partout. Oui, la répression des contestations écologiques, sociales et démocratiques a atteint un niveau rare, inédit depuis 60 ans et la guerre d'Algérie. À l'heure où les urgences sociales et climatiques se font plus pressantes et poussent à multiplier les actions, les gouvernements récents banalisent la violence d'État. Près de 211 personnalités civiles ainsi que plusieurs membres d'Attaque et de la Fondation Copernic, signataires du texte, projettent l'organisation d'assises citoyennes pour défendre les libertés publiques et les droits individuels et collectifs systématiquement bafoués. En effet, en ce moment, on en sait quelque chose. Au plan local, donc maintenant, participation des trois comités locaux d'Attaque de la métropole à la manifestation du 19 janvier, bien sûr, à Lille. Oui, tout à fait. On parle de entre 16 000 et 25 000 participants selon les sources. Donc, on en est ravis. On parle d'une mobilisation comparable à 95 ou 2006 contre le CPE, pourvu que ça dure et à la fin, on va gagner. C'est nous qu'on va gagner. C'est ça. Là, j'ai deux parcs. René, là, on est vraiment dans notre comité local à Lille. Oui. Les trois CL de la métropole sont impliqués. Quoi. Oui. De nombreux participants, déjà environ une quarantaine de personnes, si je ne me trompe. Donc, présentation, bien sûr, du rapport moral, des rapports d'activité financiers et aussi des orientations 2023-2024. Notamment le recours en justice, hein, bien sûr, contre la délibération de Mel du 7 octobre 2022, poursuite de l'occupation de la friche Saint-Sauveur et du Belvédère, développement du projet de coopérative culturelle et paysanne. Soutien à la contestation du modèle urbain de la métropole, notamment avec le projet de fédération des associations de lutte contre plusieurs projets, comme par exemple les bois blancs avec Delair. Donc justement, l'AG constitutive de cette fédération s'est tenue le mardi 17 janvier et s'est traduite par la création de l'association Haute-Mel. A-U-T, oui. accent M-E-L. Autre mail, en fait, c'était, je crois que c'est... Oui, en gros, ça doit vouloir dire ça. Malheureusement, nous ne pouvions pas y assister, mais on se tiendra au courant. Bien sûr. Donc, une conférence débat sur les retraites, en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique. Oui, qui a eu lieu le 16 janvier à la MD à Lille, avec pour un intervenant Nicolas Postel, économiste. Donc on a une 40-52 personnes qui étaient présentes pour parler de l'enjeu clé des retraites, qu'on questionnait l'équilibre des retraites. Enfin, voilà, différents sujets qui ont été abordés à cette occasion. Qu'est-ce qu'on avait toutes les notions qu'on a pu évoquer encore aujourd'hui sur le fait de travailler plus longtemps et la transition écologique. Et puis, on a tenu aussi, on revient un peu à rebours, là, un atelier numérique avec toi, Quentin, justement. Oui, donc présenté par Quentin, qui a débroussaillé pour nous la jungle numérique. Donc notamment en présentant des critères de choix d'un bon outil numérique, avec des informations et des réglementations sur la propriété des données, l'organisation de l'industrie numérique, les utilisations par attaque, et bien sûr on envisage d'autres ateliers de ce type au cours de l'année. Je termine avec lundi 6 février, avant de laisser la parole à Florent, nous recevons avec les Amis du Pont Diplomatique Thomas Coutreau, à Sciences Po, de 18 à 20 heures. Et oui, donc l'agenda militant maintenant, pour commencer, lecture du conte La pierre verte d'Alice Beaufort, une histoire de puissance féminine, d'actes magiques et de résilience. Dans un petit village entre collines et rivières, Rose, une jeune fille, grandit auprès de sa grand-mère, la guérisseuse. Ce soir-là, c'est la fête au village. Elle danse autour du feu. Ce soir-là, c'est une nuit sans lune et sa vie va basculer. Et c'est donc cet après-midi à 16h au Café La Moulinette, 105 boulevard Victor Hugo à Lille. Mais qu'est-ce qui se passe aux aviateurs? On en a déjà parlé lors d'une précédente émission. Rencontre à propos de la cité HLM du quartier des aviateurs sous le coup d'un projet de démolition, reconstruction du logis à Anru et du déménagement hors du quartier des 300 familles qui y habitent. Organisée par l'association Delair. C'est donc le samedi 4 février à 15h à la maison de quartier des Bois Blancs. Apéro débat avec Simon Cotin-Marx, sociologue autour du livre « C'est pour la bonne cause ». Travailler pour la cause, avoir un métier qui a du sens, allier emploi et engagement, sur le papier, cela a tout d'un job idéal. Sauf que la dite cause prend le pas sur tout le reste et commencer par les conditions de travail, bas salaire, horaires extensibles, burn-out, qui guette. Les associations oublieraient-elles de mettre en pratique avec leurs propres employés les valeurs qu'elles défendent? Ça sera à l'APU FIV, 57 rue de Flers à Lille, le mercredi 25 janvier à 19h. Projection du film Irréductible d'Olivier Dubocquoy. Irréductible est une histoire d'hommes et femmes qui ont gagné des batailles qui semblaient perdues d'avance. Blocage de centrales nucléaires, sabotage pour mettre fin à des pollutions en mer, ZAD pour protéger les forêts. Parfois dans la non-violence, parfois dans la clandestinité, tous ont un commun d'être victorieux dans leur lutte. Ce rendez-vous se déroulera au Zeppelin, 23 rue d'Alsace-Lorraine à Saint-André-les-Lilles, le jeudi 26 janvier à 19h30. Projection de la première partie du documentaire « Ni Dieu ni Maître » de Tancred Ramonet. Donc à partir d'images d'archives inédites, de documents oubliés, d'entretiens exclusifs avec les plus grands spécialistes du mouvement ouvrier, ce film exceptionnel raconte pour la première fois l'histoire de ce mouvement qui combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux qui, de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, n'en finit pas de faire trembler le monde. Vive l'anarchie. Cette partie sera diffusée au centre LGBTQIF+, j'en suis, j'en reste, au 19 rue Condé à Lille, le dimanche 29 janvier à 14h30. Et pour finir, Arpentage, une lecture collective du bouquin de Camille François sur comment l'État expulse les pauvres. Camille François, maître de conférence en sociologie, vient de publier un ouvrage sur les expulsions locatives en banlieue parisienne. Et donc ça s'appelle « Degré et de force, comment l'État expulse les pauvres ». Donc ce sera l'APU du Vieux-Lille, au 14 rue des Tours. et donc qui arpente le bouquin le samedi 11 février à 14h. Donc vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lilledemosphère.net. Et donc dans un instant, on retrouve Françoise avec l'émission Traverse et ses invités. Merci, bon week-end à tous et prenez soin de vous en tenant compte qu'on vous a dit cette année, bonne année.